un homme puissant. Les portes du donjon s'ouvrirent de fort bonne heure le lendemain. Julien fut réveillé en sursaut. Une femme vêtue en paysanne se précipita dans ses bras. Il eut peine à la reconnaître. C'était Mademoiselle de la Mole. « Méchant, je n'ai su que par ta lettre où tu étais. Ce que tu appelles ton crime, et qui n'est qu'une ignoble vengeance qui me montre toute la hauteur du cœur qui bat dans cette poitrine, je ne l'ai su qu'à Verrières. » Julien la trouva fort jolie. Il crut encore aimer une reine, et après quelques instants, ce fut avec une rare noblesse d'élocution et de pensée qu'il lui dit « L'avenir se dessinait à mes yeux fort clairement. Après ma mort, je vous remarierai à M. de Croisenois qui aurait épousé une veuve. Vous seriez résignée à être heureuse du bonheur de tout le monde, la considération, les richesses, le haut rang. » « La folie est complète, » pensa Julien. « Je n'ai pu l'empêcher. » Après tout, M. de la Mole est un si grand seigneur que l'opinion saura bien trouver une excuse au jeune colonel qui épousera cette charmante veuve. Ma mort prochaine couvrira tout. Après ses premiers transports, et lorsqu'elle se fut rassasiée du bonheur de voir Julien, une curiosité vive s'empara tout à coup de son âme. Elle examinait son amant. Son ancêtre, Boniface de la Mole, lui semblait ressuscité, mais plus héroïque. Elle arriva rapidement à cette idée que tout dépendait à Besançon de M. l'abbé de Frilair. Elle était à Besançon l'objet de l'attention de tous, lorsqu'après 8 jours de sollicitation, elle obtint une audience de M. de Frilair. Elle trembla en sonnant à la porte de l'évêché. La solitude du palais épiscopal lui donnait froid. À son premier regard dans l'appartement, Mademoiselle de la Mole fut rassurée. Dès qu'elle aperçut M. de Frilair qui venait à elle d'un air paterne, toutes les idées de crime atroce disparurent. Le demi-sourire qui animait les traits du prêtre, qui disposait de tout à Besançon, annonçait l'homme de bonne compagnie, l'administrateur habile. Mathilde se crut à Paris. Il ne fallut que quelques instants à M. de Frilair pour amener Mathilde à lui avouer qu'elle était la fille de son puissant adversaire, le marquis de la Mole. « Je viens vous consulter, monsieur, sur la possibilité de procurer l'évasion de M. de Lavernay. Ma reconnaissance et celle de ma famille ne trouvera rien d'impossible pour qui aura sauvé M. de Lavernay. » M. de Frilair paraissait étonné de ce nom. Mathilde lui montra plusieurs lettres du ministre de la Guerre adressées à M. Julien Sorel de Lavernay. « Vous voyez, monsieur, que mon père se chargeait de sa fortune. Je l'ai épousé en secret. Mon père désirait qu'il fût officier supérieur avant de déclarer ce mariage un peu singulier pour une La Mole. » « Quel parti puis-je tirer de cette étrange confidence ? » se disait-il. Me voici d'un coup en relation intime avec une amie de la célèbre maréchale de Fervaques, nièce toute puissante de Monseigneur l'évêque, par qui l'on est évêque en France. Ébloui de cette voie rapide et imprévue qui s'ouvrait à ses yeux pour arriver à l'épiscopat, étonné du génie de Mathilde, un instant, M. de Frilair ne fut plus sur ses gardes. Mademoiselle de la Mole le vit presque à ses pieds, ambitieux et vif jusqu'au tremblement nerveux. « Tout s'éclaircit, » pensa-t-elle. « Rien ne sera impossible ici à l'ami de Madame de Fervaques. » Malgré un sentiment de jalousie encore bien douloureux, elle eut le courage d'expliquer que Julien était l'ami intime de la maréchale. Quand l'on tirerait au sort 4 ou 5 fois de suite une liste de 36 jurés parmi les notables, dit le grand vicaire, presque toujours j'aurai la majorité. Voyez, mademoiselle, avec grande facilité, je puis faire absoudre. L'abbé s'arrêta tout à coup. Il avouait des choses que l'on ne dit jamais aux profanes. Si Mathilde n'avait pas semblé si jolie à M. de Frilair, il ne lui eût parlé aussi clairement qu'à la 5e ou 6e entrevue.